Salut Objet. Bonjour Festival. Voici notre invité mystère du jour, un objet de la scénographie du Festival Archipel 2024 que nous sommes allés rencontrer chez lui pour qu'il nous raconte quelques anecdotes de sa vie. À vous, chers spectateurs et festivalières, de découvrir son identité. Cher Objet, qui êtes-vous vraiment? Merci de m'avoir invité ici. Je suis une seulement un objet d'une grande famille d'objets qui sont partie prenante de ce festival depuis ses débuts. Vraiment de ce début, vraiment de avant même de cette direction bipartite là de Denis Schuller et Marie Janson. J'interviens dans ce festival et dans d'autres festivals et dans d'autres lieux de musique depuis très longtemps. On est carrément un peu une bande de potes, un amas d'objets qui interviennent aussi dans d'autres festivals, qui en partie ont suivi ce festival depuis très longtemps, et en partie qui travaillent avec l'ensemble Contrechamps aussi, depuis vraiment des années. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur votre matérialité? Ah oui, naturellement, bien sûr. Nous sommes plutôt molles, doux. La taille peut aller de quelque chose d'un peu plus grand, de genre 50 sur 50 cm, à plus petit, 30 sur 30. Nous avons plein de couleurs différentes. Nous sommes recouverts de tissus pour la plus grande partie et nous contenons des billes en polystyrène ou des plumes ou encore d'autres bouts de tissus. Voilà, c'est vraiment très varié. Ah oui, aussi des fibres artificielles, donc à base de pétrole. Ça aussi, il y en a d'entre nous qui ont plutôt ça. D'accord, ça donne vraiment quand même déjà pas mal d'informations. Et vous intervenez un peu partout dans le festival? Non, pas du tout. Alors, nous sommes souvent partie prenante pour des concerts où il y a des gens qui aimeraient bien se mettre plus à l'aise qu'être assis sur une chaise, s'allonger ou se vautrer. D'accord, ok. Ben, ça aussi, ça donne un peu des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Donc vous avez une longue histoire avec le festival? Oui, tout à fait. Même il y a certains objets d'entre nous qui ont été fabriqués encore il y a plus de 20 ans, je pense, par une personne qui maintenant travaille à la ville de Genève. Au service de la culture, elle est quelqu'un de très importante maintenant. Qui à l'époque était étudiante et puis qui cherchait un petit boulot et puis qui avait cousu des housses pour nous. Ah oui, ça c'est vraiment très très marrant. Ok. Donc vous connaissez aussi Marie Janson depuis très longtemps? Oui, alors depuis très très très longtemps. On l'a connue quand elle n'était pas encore directrice, mais quand elle travaillait quand même déjà en partie comme programmatrice pour les installations sonores à l'époque, je pense. D'accord, ok. Et c'était qui le directeur du festival à ce moment-là? Je pense que c'était Jean Prévost. D'accord, donc ça remonte à il y a longtemps. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un coup de cœur de cette édition, quelque chose où vous vous réjouissez particulièrement de voir, parce que comme vous êtes quand même un peu depuis longtemps dans la culture de façon générale, dans la musique contemporaine plus précisément, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle particulièrement? Oui, alors je me réjouis pas mal du concert du mercredi 17 à 19h. Mais... cette date est déjà passée. Oh non! Oh zut! Oh! Dommage! Oh c'est bête! Oh non! Oh! Oh non! C'est un projet qui s'appelle Langoulève-Vent. par Clément Varsaletto et suivi d'un solo de Lise Barcas. Et c'est plein d'objets qui fonctionnent avec le souffle, avec le vent. Et donc Lise Barcas va faire un concert pour Cornemuse. Et c'est marrant. Bah là, je pense que on va être nous, donc avec mes copines, copaines, objets. On va être tout près, on va pouvoir être tout près de tous ces objets avant. Et je pense que ça va être très intéressant et marrant à voir et à entendre. Merci beaucoup, merci de toutes ces informations et à tout à l'heure au festival. À tout à l'heure. Merci Yvonne. Merci Yvonne.